France.ma. Vous écoutez France Inter, dans une poignée de secondes, il sera 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Alstom sauvé, peut-être pas totalement, mais c'est en bonne voie. Manuel Valls a défendu cet après-midi la stratégie du gouvernement pour assurer la pérennité du site d'Alstom de Belfort. Nous y voici donc. La réunion de ce matin en préfecture de Belfort a permis de connaître les contours du plan du gouvernement. Ça passera par une commande publique, 15 TGV à étage pour la ligne Bordeaux-Marseille en attendant qu'elle passe à grande vitesse. 6 TGV pour la ligne Paris-Turin-Milan, le tout pour plusieurs centaines de millions d'euros, plus 20 locomotives dépanneuses, mais ces dernières elles n'ont pas été chiffrées. Appel d'offres mainmise de l'État, est-ce que tout a été bien respecté? Oui, répond Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'Industrie, tout a été réfléchi. Parce que nous devons prendre nos responsabilités, nous avons choisi d'anticiper la commande de 15 rames TGV pour ce qu'on appelle le corridor sud, et donc nous avons anticipé, c'est la responsabilité politique que le gouvernement a choisi de prendre, pour permettre d'étoffer le carnet de commandes, de donner de la visibilité à l'entreprise Alstom, parce que quand on a de la visibilité, bien évidemment, on peut plus facilement imaginer les diversifications qui ont été annoncées. Dans le débat, je lis parfois, il y a 500 millions d'euros. Enfin, il y a du matériel derrière. C'est pas 500 millions d'euros qu'on met en l'air. Il y a du matériel derrière, il y a de la commande, bien évidemment. Et s'il y a de la commande, il y a de l'emploi. S'il y a de l'emploi, il y a de l'activité. Voilà, ce sont des éléments qui doivent être analysés à l'aune de l'ensemble de ce que cela représente en termes d'emploi, de mobilisation et bien évidemment de perspectives pour le développement de ces sites. Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'Industrie. En échange, le projet de restructuration d'Alstom est enterré, exit donc le transfert du site vers l'Alsace. Et Alstom va aussi investir 40 millions d'euros dans son usine franc-comtoise. Les syndicats d'Alstom qui avaient appelé à manifester aujourd'hui se disent satisfaits du plan présenté, mais ils restent vigilants sur la survie du site à long terme. De son côté, Sudrail, le troisième syndicat de la SNCF, dénonce un État qui, une fois de plus, fait payer la note aux cheminots. La voie est ouverte pour l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, ouverte pour son entrée en vigueur, car le Parlement européen l'a approuvé cet après-midi. Pour entrer en vigueur, l'accord devait être ratifié par 55 pays, représentant 55% des émissions globales de gaz à effet de serre. Avec le vote du Parlement européen, ce dernier seuil est franchi. Chaque pays signataire devra désormais communiquer tous les 5 ans son plan de réduction de CO2, et ce, en tenant compte d'un bilan au niveau mondial des efforts effectués. L'accord de la COP21 vise à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. De l'avis des météorologues américains, Matthew est extrêmement dangereux avec ses vents qui dépassent les 200 km/h. L'œil de l'ouragan est depuis le début de l'après-midi sur Haïti. Les inondations ont forcé des milliers d'habitants à fuir le sud-ouest de l'île. L'ouragan progresse maintenant vers le nord à la vitesse de 15 km/h. Il est attendu d'ici quelques heures sur le passage de Windward, le détroit qui sépare Haïti de Cuba. Il n'y a pas les bons et les méchants, les riches et les pauvres. L'enseignement catholique privé ne veut pas entrer aujourd'hui dans, je cite, une guéguerre. Pascal Balmont, le secrétaire général de l'enseignement catholique, a répondu aujourd'hui à l'étude du ministère de l'Éducation nationale qui pointe une ségrégation sociale grimpante entre le privé et le public. C'est vrai, mais l'enseignement privé fait des efforts et ça prend du temps, explique Pascal Balmont. On l'écoute. Un premier élément, tout simple, mais qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il est essentiel, c'est que dans la mesure où nos établissements sont des établissements certes associés à l'État, mais néanmoins privés, les familles versent une contribution. La question financière peut constituer, ici ou là, un élément de blocage ou d'autocensure par rapport à des familles issues de milieux défavorisés. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui résulte du passé, l'implantation territoriale de nos établissements, notamment dans les grandes métropoles, dans les grands centres urbains. La carte de nos établissements est une carte héritée du 19e siècle bien souvent, et donc nos établissements sont pour la plupart d'entre eux des établissements de centre-ville. Or, les centres-villes des grandes agglomérations françaises ne sont plus diversifiés du point de vue de leur population. À cet égard, nos établissements de centre-ville ne sont pas plus ségrégants que leurs homologues de l'enseignement public. Des propos recueillis par Sonia Bourane. Sans surprise, Paul Gauze, le président sortant de la Ligue nationale de rugby, a été réélu aujourd'hui. Un score à la soviétique, diront les mauvaises langues. 97% des suffrages exprimés. Le seul adversaire de Paul Gauze, Mourad Boudjelal, le patron du RC Toulon, n'a pas pu franchir le barrage du comité directeur de la LNR. C'est l'un des jours les plus heureux de ma carrière. Maria Sharapova dans le texte. Le tribunal arbitral du sport a réduit aujourd'hui la suspension de la joueuse de tennis de 2 ans à 15 mois de suspension. Donc elle avait été suspendue en juin pour avoir pris du meldonium, un médicament inscrit depuis janvier sur la liste des produits dopants. Maria Sharapova pourra reprendre la compétition le 26 avril prochain, juste avant Roland-Garros. 17h05 sur France Inter, on va aller à la Bourse de Paris retrouver Jean-Yves Courcial. Jean-Yves Courcial, c'est une belle journée à la Bourse de Paris. Oh oui, Laetitia, puisque la place parisienne se dirige vers une 5e séance consécutive de hausse et à 30 minutes de la fin des échanges, le CAC 40 progresse d'1,08% à 4501 points. Peu de choses à surveiller pour les investisseurs aujourd'hui, ils apprécient toutefois la hausse du titre Deutsche Bank à la bourse de Francfort, ce qui profite logiquement aux autres valeurs du secteur, même si la principale interrogation n'est pas levée sur le montant de l'amende dont la banque allemande va devoir s'acquitter à la justice américaine. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,11.59. Et en ce qui concerne les valeurs, les bancaires soutiennent donc la tendance grâce à la bonne tenue de la Deutsche Bank en bourse. Société Générale progresse ainsi d'1,64% ou encore Crédit Agricole plus 1,36. Et parmi les quelques titres dans le rouge au sein de l'indice, Veolia Environnement abandonne 0,86% et continue de subir des prises de bénéfices après sa bonne performance du mois de septembre. Je vous rappelle, le CAC 40, il gagne 1,12%, il remonte à 4503 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Full Sentimental. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Fusion, live et sueur entre hip-hop, électro, funk et pop. Le groupe General Electrics, emmené par la voix de Hervé Salters, fait un détour par notre studio 105. Après un été où il s'est produit partout en festival, c'est un vrai cadeau pour notre Full Sentimental avant leur concert événement à l'Olympia le 29 novembre prochain. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour. La question qui fâche, puis-je avoir une estimation en 2 minutes pour mon assurance auto? Non, bien sûr. Si, bien sûr. Et comment? MAF.fr sur votre smartphone. Vos réponses en quelques clics et vous simulez immédiatement votre tarif. MAF.fr sur mon smartphone et en 2 minutes? Voilà, mais si vous préférez, on peut aussi vous rappeler. Aussi? Oh, merci, Miss MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. Tarif indicatif sur smartphone. Tarif personnalisé au 35, service et appel gratuit. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site visal.fr. Dites-moi, Charline, c'est un stéjat très hot que vous avez ce soir. Un stéjat, oui. Alors ça, c'est acronyme, c'est ça? Voilà. Si tu écoutes, j'annule tout. Ouais, stéjat, oh, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Vous parlez beaucoup comme ça dans vos journaux, RATP, RTT, tout ça. Enfin, stéjat, je suis pas sûre que je vais oser encore trop longtemps. C'est très français, ça, les acronymes. Très bien, mais écoutez, merci Laetitia Gaillet pour toutes ces informations. C'était pour Matin Lamotte, mais bon, ça, on s'en fiche. Hein, ah, c'est ça. D'accord. Bah, bon, ça voilà. Vient de... Voilà. Ah oui, ça y est, j'ai voilà, compris. Vous l'avez? Oui, oui, oui. Merci, Matin Lamotte, donc hot. Si, c'est excellent. Allez, bon courage avec ça. Ne perdons pas de temps, on est impatients avec notre invité de commencer cette émission. Écoutez comment nous l'avons préparée ce matin. Salut les amis. Salut Charline. Alors on reçoit qui? Martin Lamotte. Ah génial. Il joue Colombo au théâtre. Ah super. Ah, ouais, cool. Et Alex il est pas là? Pas non, encore. Pas encore. Non. Venez, venez, on va lui faire une blague. Quoi? On va cacher son poster de Michel Thor. Ah ouais, non. Oh, si, oui, j'y vais. Allez, non, hop, hop, franchement allez, c'est pas cool, il y tient. Salut les amis. Salut Alex. Mais pourquoi est-ce que t'as cet imperméable là? Mais c'est ma femme et la peur qui pleure. Oh ça y est, il est dans le personnage là. Eh, il manque un truc là au-dessus du bureau. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, moi en tout cas j'étais pas pour Alex. Pourquoi t'étais pas? Non, j'étais pas pour pour inviter Martin Lamotte. Petite question comme ça, qui est rentré le premier dans le bureau ce matin? Ah, c'est pas moi. Pas moi. C'est pas moi. C'est moi et Michel Thor était là. Oh, Michel Thor était là. Là, mais l'idiot. Et qui a pu la supprimer alors? Bon, écoutez, l'inspecteur, on ne sait pas, c'est bizarre. On oui, sait c'est pas, bizarre. Ouais. Moi, j'avais une photo de Michel Thor, moi, dans ma Peugeot 403. Ah, bah, c'est peut-être celle-là du coup. Non, parce que mon basset avait mordi le coin. Oui, écoutez, alors, je sais pas. Est-ce qu'on peut choisir les sujets là? Oui, faites. Alors, dans toute la presse. Excusez-moi de vous déranger, j'aime pas ça, mais la punaise par terre. À côté du pins, les jeunes avec Montebourg. Oui, ça, Montebourg, oui, bah, c'est moi, voilà, bien joué Colombo. Hein. Tiens, elle est là, Michel, tiens, emmène-la danser ce soir et arrête de faire cette imitation ridicule. Mais c'est un hommage pour l'invité. Oui, bon, allez, les sujets, là. Oh, bah, je crois qu'on est obligé de parler du vol des bijoux de Kim Kardashian. Ah, oui, évidemment, c'est sûr, ouais. L'affaire Kardashian, quand je vais raconter ça à ma femme. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui contourne les lois de l'information et voici les trois actualités qui vont éviter les péages jusqu'à 18h. Le référendum est de plus en plus utilisé dans plein de pays. L'Angleterre avec le Brexit, la Hongrie sur le quota de réfugiés, la France pour un aéroport. Et souvent le vote nous laisse sans voix. Enfin, pas pour tout le monde. Au point où s'en est, je souhaite que ça finisse en insurrection. Et je trouve que Bruxelles serait un très bel endroit pour une guerre civile. Merci Michel. La France fait le plein de réservistes dans l'armée ou la police. Ces gens qui sont prêts à défendre la France, mais pas à plein temps et sous certaines conditions. Bon, il n'y a pas une minute à perdre. Nous avons le cul sur une poudrière. Êtes-vous prêts à vous joindre? Oui, si on le demande poliment. S'il vous plaît. Les politiques ont réagi à l'affaire Kim Kardashian comme si elle tenait dans ses mains le destin du tourisme à Paris, alors que dans le fond, la starlette et les cambrioleurs poursuivent exactement le même but. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez. Moi, c'est les sous. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui, bah, grâce à cette affaire, a pu enfin mettre un visage sur cette paire de fesses. C'est Alex Vizorek. C'est pas loin d'être vrai. Bonjour Charline Vanhoenacker et autour de la table, pour accueillir notre invité, une belle équipe 17h20, celle qui aime les battles de musique. Mais j'aimerais savoir si au fond, elle aime plus la musique que se battre. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Ça dépend des jours. Si oui, je suis à Jean, je préfère la musique. De quoi on va parler aujourd'hui? Un phénomène de la génération synthétiseur et rouge à lèvres noires, c'est les jeunes gens modernes des années 80. Très bien. 17h30, lui aussi c'est un cambrioleur. Mais s'il avait dû voler quelque chose à Kim Kardashian, ça aurait pas été des bijoux pour 10 millions, mais il aurait aimé lui voler une déclaration pertinente sur la lutte des classes. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi je suis retourné au salon de l'auto aujourd'hui pour interroger cette fois-ci les fans de voitures. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Qu'est-ce qui vous a plu pour l'instant? Les voitures. Voilà, c'est bon, donc on ne s'est pas planté de salon, c'est bon, bien joué mon gars. Et 17h40, le retour de notre sportif. Il s'est entraîné tout l'été en regardant Teddy Riner et Antoine Griezmann et en rêvant qu'il monte un duo comique à la Laurel et Hardy. C'est Samir Bouadi, bonjour. C'est vrai, c'est pas faux. Salut Alex, salut Charline, bonjour à tous. Moi je vais vous parler d'un livre, plus précisément d'une encyclopédie des sports oubliés. Vous allez voir, c'est génial. Et je me tourne vers celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous accompagnez toutes les générations de Français et au-delà, puisque vous avez démarré au Café de la Gare avant d'être associé à la troupe du Splendide, que vous avez joué dans Les Bronzés, le Père Noël, Papy fait de la Résistance, et qu'aujourd'hui tous les gamins vous reconnaissent dans la rue, même pour nos chers voisins, le programme court diffusé sur TF1. Alors je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Eh ben, je suis Martin Lamotte. Oh, ça c'est classe. C'est pas vrai. Incroyable. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Martin Lamotte. Bonjour, bonjour. Vous nous accompagnez très souvent, sans le savoir, parce qu'on utilise beaucoup de vos saillies, de vos répliques dans vos différents films, dans cette émission. Donc on entend votre voix résonner souvent. Et là, on vous reçoit pour une pièce de théâtre qui s'appelle Colombo. Oui. Colombo de William Link et Richard Levinson. C'est au théâtre, Michel, jusqu'au 22 janvier. Pour l'instant ? Pour l'instant. Pour l'instant, espérons plus. Alors Colombo, Alex est allé vous voir. Et c'est vrai que quand il est revenu, il a dit, c'est vrai que Colombo, ça commence par une pièce de théâtre. Mais oui, parce que voyant l'affiche, voyant votre nom, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Est-ce que c'était une parodie de Colombo? Est-ce que c'était... Et en fait, non, vous êtes Colombo dans une enquête de Colombo. Ouais. Donc on va voir un Colombo, parce que ce qu'il faut raconter, c'est que eh bien, l'histoire de cet inspecteur, celui qu'on connaît le mieux, eh bien, elle a commencé sur les planches. Absolument, et c'est cette pièce qui a tout inspiré, c'est la Bible de la série. Il y a tout. Dedans. Le chien aussi, le chien, on en parle. Évidemment, on est au théâtre. Et à la fin, on voit. On va parler des batailles. À la fin, on voit la femme de Colombo, c'est important de le dire. Oui. J'essaie de faire venir les gens théâtre. Oui. Alors, il y a un striptease à la fin. Non, monsieur, non, mais je veux demander de sortir. Oui. Vous voulez dire, il y a tout, il y a ce qu'on appelle la Bible de la série, est concentrée dans cette pièce de théâtre. On parle de sa femme, on parle du chien, on parle de la voiture, il y a plein d'expressions, on parle du fait qu'il fume le cigare, de la façon dont il est habillé, dont il est coiffé, tout est dit. C'est quand même incroyable. Pièce qui était jouée dans les années 60 à Broadway. J'étais pas né, mais il est pareil. Je me doute. Et puis, Peter Falk en a fait cette légende. Comment on passe après celui que tout le monde imagine en étant Peter Falk ? Qui n'a jamais joué la pièce. Écoutez, on passe doucement, sans bruit d'abord. Non, mais dans le travail de comédien, j'entends, c'est pas tant que... Il y avait un gros problème, c'était à la fois un héros américain, joué par un acteur américain, connu. D'ailleurs, c'est Joseph Cotton, ou je sais plus quoi, qui est un type qui faisait des polars aussi, mais des bandits plutôt. Et donc c'est ça. Et la voix, celle de Serge Sauvion, un comédien français. Bien sûr. Donc on ne peut pas imiter ça, c'est trop dur. Sauf Alex Vizorek. Non, mais c'était, le but justement, c'était de créer ce Colombo qui allait nous rappeler celui qu'on connaissait, et puis d'être le vôtre en fait. Alors voilà, donc ça c'est ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette pièce, c'est essayer d'évoquer, c'est l'évocation. Donc on évoque un personnage, on n'est pas le personnage, on ne le ressemble pas du tout, mais on va l'évoquer et à la fin... un peu grisonnant, quelque chose, hein, ah oui, moi j'ai cru, ça a marché, ouais. Non mais c'est intéressant, là, pour suivre sur l'évocation. On évoque, et moi avant j'ai fait une évocation de Sacha Guitry, je ne ressemble pas du tout, avec Claire Kem, qui devait faire Yvonne Printemps, et on a joué une pièce qui était comme ça, et à la fin les gens pensaient qu'ils avaient vu Yvonne Printemps et Sacha Guitry. Et là, on va penser qu'on a vu Colombo. C'est très étonnant. Et il faut l'amener à soi, ça c'est sûr. Il faut pas copier. Et il faut donner quelque chose. Et la ressemblance vient toute seule. C'est très, très bizarre. Je peux pas l'expliquer. C'est la deuxième fois que je fais ça, mais je suis ravi. Et pour l'histoire, c'est-à-dire que ça marche vraiment comme un épisode de Colombo. On assiste au début à la scène de crime. Enfin, en tout cas, on la comprend très bien. On la comprend très bien. On sait tout. Et tous des tricotes. Alors, je vous laisse pitcher jusqu'où vous voulez, parce que, évidemment, chaque scène amène une information supplémentaire. Donc, je ne voudrais pas en dire trop. Ah non, il faut se taire. Mais tous les indices sont là. C'est-à-dire que si vous regardez bien la pièce, des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont visibles, tous les indices sont là. C'est vrai. Un amateur de Colombo peut passer sa journée à regarder, il y a tout. Et, dans le texte, et à la fin, voilà. Sur les lieux. Et c'est assez étonnant quand même. Mais on peut dire effectivement que c'est une histoire de couple qui tourne mal. On peut le dire. À Los Angeles. C'est un psychiatre un petit peu... Le docteur Fleming. Oui, le docteur Fleming, qui n'a pas inventé la pénicilline. Oui, c'est pas lui. Il est entre sa femme et une actrice hollywoodienne. Oui. Et puis il décide de mettre en scène... Un crime parfait. Et évidemment, il n'y arrive pas. Et non. Trois petits points. Et c'était le premier épisode, finalement, de la série. Quand ils ont filmé la série, c'était le premier épisode. Oh, donc, c'est l'authentique. Voilà. C'est l'authentique Colombo. Vous aimez Colombo, vous n'allez pas être déçu. Avec Martin Lamotte, avec aussi Pierre Azéma, Karine Belli, Stéphane Boutet. C'est au Théâtre Michel. Et c'est du mardi au samedi à 21h, le samedi à 17h, le dimanche à 16h30. Vous ne chômez pas, Martin Lamotte. Oh que non. Dans Colombo. Restez avec nous. Après, on va parler un peu politique, énigme aussi à faire. Peut-être on reviendra un petit peu à Colombo à cette occasion, mais bien sûr. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h avec Martin Lamotte. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps. So I won't get it all. I'm a loser, baby. cause one's got a weasel and others got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So Inter. Nous sommes en compagnie de Martin Lamotte, qu'on peut voir au théâtre en ce moment dans Columbo, l'authentique, la substantifique moelle de la série, car elle a commencé au théâtre, dans une pièce de William Link et Richard Levinson. Vous pouvez voir au théâtre Michel, Martin Lamotte qui est avec nous, et autour de cette table... Eh bien, Mélanie Bauer qui parlera musique, Guillaume Meurice qui est retourné au salon de l'auto, il n'avait pas tout compris, et Samir Bouadi qui parlera des sports oubliés. Et de la formation et de la blague. Comme toujours. Les deux. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturesque d'une campagne électorale. Et on commence par les titres. Jean-Marie Le Pen trouve que Nicolas Sarkozy se Jean-Marise et que sa fille Marine se Sarkozyse. Voilà, on met au défi tout le monde de dire laquelle des deux comparaisons est la plus vache. Pour sauver le site Alstom de Belfort, l'État va commander 15 TGV, mais pour les faire circuler sur des lignes à petite vitesse. Voilà, le jour où Dassault va être en difficulté, l'État va commander 15 rafales pour assurer le trajet Paris-Lyon en roulant sur l'autoroute A6. Le TGV sera d'ailleurs l'invité de l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Et il y aura des BGV. Des brèves grandes vitesses. On commence par la... J'ai bien aimé. Et on commence par la primaire des Républicains. Hervé Morin apporte son soutien à Bruno Le Maire. Si avec ça, Bruno Le Maire, c'est pas le prochain président de la République, moi je comprends plus rien. On reste à droite avec le documentaire sur Alain Juppé, diffusé hier soir sur France 3. Oui, et il répond à ceux qui le jugent ennuyeux et très conventionnel. Je les emmerde. Je ne m'emmerde pas dans la vie, alors si se font chier avec moi, tu vas y voir ailleurs. Mais on entend un président de la République, on dit vous fasse marrer. Non, bon, pas. Bah, ça tombe bien, Alain. Il est en colère, Alain. Il est à ça du stade. Je m'en bats les couilles de ces gros bâtards. Je vous le dis comme ça. On continue dans la série Les politiques sont des caïras avec Philippe Vardon, conseiller régional Front National de la région PACA. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme suite à une bagarre. Oui, et je rappelle l'ancien slogan du FN, la France apaisée. FN toujours, pour Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy se, je le cite, se Jean-Marise. Oui, et c'est pas faux, avec toutes les affaires qu'il a sur le dos, Nicolas Sarkozy lui aussi ne dort que d'un œil en ce moment. Passons ensuite de l'affaire Kardashian. Après le braquage de sa femme, Kanye West a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière musicale. Oui, et d'ailleurs ça n'a rien à voir avec ça, mais donc la femme de Maître Gims a des très beaux bijoux aussi, je dis ça au hasard. Science, une étude révèle que la malbouffe cause plus de maladies que le tabac, l'alcool et le sexe réunis. Conclusion, mangez bio, vous pourrez fumer, boire et baiser à volonté. C'est dingue, faudrait qu'on mette des images choc sur les emballages des hamburgers. Oui, une photo de Loana par exemple, et voilà, c'est ça. C'est élégant. Pardon. Sans transition, culture, cinéma, les frères Dardenne ont déclaré « Les comédies, ce n'est pas notre truc ». Eh ben, on ne l'avait pas remarqué, ça. Merci de nous préciser. Télévision, on l'attend avec impatience. Le 9 octobre, Karine Le Marchand va présenter une nouvelle émission politique sur M6 nommée Une ambition intime. Oui, et sa première invitée sera Marine Le Pen. Donc après L'amour est dans le pré, nous aurons donc La haine est en campagne. Mais venons-en à notre invité exceptionnel. Oui, nous avons un des TGV commandés par l'État français pour sauver Alstom. Ah bah dis donc, ça va vite, dis donc. Je voulais dire, vous êtes fabriqué rapidement. Main d'œuvre française, monsieur. Enfin, c'est proche de la frontière allemande. Alors, TGV, vous êtes heureux? Ah bah, comme une Formule 1 qui devrait rouler sur les pentes du Ventoux, quoi. Oui, donc vous êtes pas content qu'on vous prenne pour un TER, quoi. Ah, vous seriez content qu'on vous prenne pour Jean Roucas? Non, mais quand même, vous allez sauver Belfort. Oui, et si demain, il faut sauver Saint-Nazaire, on va faire naviguer leur paquebot sur des ruisseaux, c'est ça? Pourquoi pas, Vivement qu'on sauve Airbus en obligeant leurs avions à intégrer les manèges de la Foire du Trône. Oui, bah, merci. Allez, je file. Oui. Il y a un aiguillage. Faites bien tes jeux, monsieur. Allez, les brèves. Oui. À Montpellier, un adolescent a été surpris en train de dealer un œuf en chocolat rempli de cocaïne. Ah bah voilà. Interdit même les œufs à la coque. Pardon, oui, c'est parce que c'est Fromet, le co-auteur. C'est Frédéric Fromet qui nous a décrit cette semaine. On assume. Et la petite dernière, Alex. Oui, hein, pour les amateurs de contrepétrie. En voici une offerte par la mairie de Paris. Très contente d'avoir fermé les quais, ils ont affiché une grande publicité titrant « Les berges sont à vous ». Voilà, on vous laisse trouver, C'est joli. C'est joli, oui. Dites pas qu'ils l'ont pas fait exprès quand même, c'est dingue. Allez, il est 17h25 et nous sommes en compagnie de Martin Lamotte. Alors, on en profite. Le premier sujet qu'on va traiter avec vous, le monde vit au rythme des référendums et du suspense qu'ils représentent. Parce qu'il faut reconnaître qu'à chaque fois, on est assez surpris. Entre le Brexit, les Colombiens qui votent contre un accord de paix avec les FARC, ou les Hongrois contre les réfugiés. Mais dans une consultation là invalidée faute de participation. C'est un outil de démocratie directe, certes, sauf quand il est manipulé. Alors, ceux qui sont... Pourquoi tu lèves la main? J'ai rien dit encore. Ceux qui sont pour la peine de mort, levez la main. Pour. Maintenant, qui est contre la peine de mort? Et toi, tu lèves pas la main? Non. T'es pour ou t'es contre? Ça dépend... Des fois, il y en a qui tuent les enfants. Ben oui, mais enfin, t'es pour ou t'es contre? Je suis contre. Mais ça dépend, des fois, je suis pas pour. Un extrait du maître d'école, bien sûr. Martin Lamotte, vous avez déjà, vous, participé à un référendum? Vous avez déjà voté pour un référendum ou jamais? Non, des référendums, non. Le vote, c'est bizarre. J'ai voté pour des trucs bizarres. J'ai voté pour des présidents, des trucs comme ça. Oui, présidents, c'est bizarre. Pour les jurys de films, par exemple. Ah oui. C'est une cuisine infernale. C'était, il y a les pour, il y a les contre. Il y a les enveloppes de pognon. On va voter ça comme ça. L'autre, il va croire que c'est bon et il va nous laisser un créneau et on va l'avoir. Ah, il y a des magouilles. Oui, ça devient une tactique. C'est très bizarre. C'est intéressant, ça. Il y a manipulation aussi, en fait. Manipulation, mais c'est manipulation humaine. Il y a pas de... Mais c'est comme ça. C'est assez emmerdant. En fait. et cette forme de démocratie directe, il y a pas mal de référendums en ce moment et on est toujours suspendu à ça. Hein, référendum d'indépendance, de quitter l'Europe. C'est une façon de vote direct. Ça vous enthousiasme ou vous êtes un petit peu méfiant en se disant, tiens, est-ce qu'il faut faire confiance au peuple? Ah, parce que c'est rarement le peuple. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une chance au grattage aussi. Parce que ça ne va pas. C'est trop franc. Quelques personnes qui votent, c'est un peu comme les Césars, si vous voulez. On se demande qui vote, et les autres ne votent pas, et ça n'est pas la profession. Le principe du référendum, ce serait que tout le monde puisse avoir le droit d'y aller. Oui, mais ça ne l'est pas. Certes. Donc voilà tout le problème. Il y a toujours beaucoup d'abstention. Vous voudriez un référendum obligatoire? Non, j'en voudrais pas du tout. Non, j'ai horreur de ça. Il faut dire que le dernier référendum qu'on a eu en France, tout le monde s'en est foutu allègrement. C'est la Constitution, ça n'encourage pas les gens à voter au référendum. Ce qui prouve que le français n'est pas si bête qu'on croit. Ouais. Voilà. On ne croit rien, nous on observe. Voilà, vous qui vivez au Québec, ça se pratique ou pas le référendum au Québec? Ils en font un peu, mais non pas tellement d'ailleurs. Ce n'est pas des référendums vraiment. Ils votent, ils discutent, ils sont contents, puis il fait froid là-bas. L'encre gèle. Et le phénomène suisse d'avoir droit à voter presque toutes les trois semaines. Oui, c'est voter pour la machine à café, voter pour une votation. Et ben c'est bien, c'est sympa dans les entreprises, mais dans la vie réelle, c'est embêtant d'aller se déplacer pour des âneries pareilles, je pense. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se dire, faisons un référendum pour voir s'il est utile de faire des référendums? C'est une idée. Et là, une fois que tout le monde monde est d'accord. Est-ce qu'il est utile de voter, par exemple, voilà, pour ou contre. Pour ou contre le vote. Autour de cette table, il y a un avis sur la question. Samir Bouadi, Mélanie Boer. Ça pose la question que beaucoup de sociologues se posent, c'est la foule est-elle intelligente ? Et en même temps, aussi la représentativité et bien sûr l'abstention. Donc votre proposition, Charline, je la trouve très, très pertinente. Mais on a des solutions pour la France dans cette question. Est-ce que ce n'est pas une arme aussi, ce référendum, pour faire voter ceux qui ne votent pas et pour faire dire à ceux qui ne disent rien ce qu'on voudrait qu'ils disent ? Alors, c'est une élection générale. Ça s'appelle référendum, là. Martin Lamotte, ce que soulève Martin Lamotte, c'est aussi les manipulations qu'il peut y avoir derrière. Et le référendum hongrois en est un exemple où des manifestations fascistes ont été autorisées juste à la veille du référendum, la manière dont la question est posée, etc. Tout ça fait que... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez le truc ? Le Brexit, vous avez vu, la livre remonte. tout ça, c'est très intéressant. Martin Lamotte est avec nous avant d'aller au théâtre Michel pour Colombo. Et la musique, c'est l'affaire de Mélanie Boer aujourd'hui. Oui, alors moi je me suis pas mal creusé la tête pour cette voilà. Je suis un peu d'accord avec vous. Pour moi, c'est le poker, c'est le grattage. Oui, on est quand même sur le Brexit, je vous le dis rapidement. On est quand même sur un coup de poker. Vous avez remarqué qu'on avait terminé le sujet et qu'on avait lancé la relance. Alors, je me suis pas mal creusé la tête pour cette chronique. J'ai pensé vous parler de la musique de Columbo. C'est une série assez atypique puisqu'elle met en scène effectivement des musiciens cultes, des bluesmen comme Johnny Cash ou Little Richard, mais elle n'a pas à proprement parler de générique comme toutes les grosses et grandes séries américaines. À part quelques thèmes d'Henri Mancini par-ci ou par-là, on n'a pas grand-chose à dire sur la musique de Columbo. J'ai tenté aussi de vous faire rire avec la carrière de chanteur de William Shatner, le capitaine Kirk, star de la télévision américaine, plusieurs fois coupable dans Columbo, mais surtout coupable de plusieurs disques. Vous avez jamais chanté, Martin Lamotte ? J'ai horreur de la méchanceté, mais allez-y. Il adore la musique, Martin Lamotte. Plusieurs disques de reprises en spoken word, je traduis pour vous, Alex Vizorette, c'est du chanter-parler. C'est assez indigeste. Son premier album est sorti en 1968. Il a été classé 45e pire 10 de tous les temps par le magazine Q. C'est cadeau, un petit extrait de Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you. C'est tentant hein, quand on est comédien de reprendre des grands tubes. C'est hallucinant. Il méritait mieux que la 45e. Il pouvait faire beaucoup plus à mon avis. Non, c'est tentant, vous imagine bien comme ça de dire le texte d'une chanson, un bon Claude François. Voilà. Ça serait pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la musique de Columbo. J'ai donc choisi un autre sujet pour vous, un sujet qui ne passe pas à la télé ni sur les planches, mais qui reste dans le domaine de la nostalgie de la France des années 80 avec les jeunes gens modernes. Est-ce que vous avez... les jeunes avec Giscard. Été un jeune genre moderne ? Non, j'ai jamais été moderne. Alors je vous explique. Les jeunes gens modernes, c'est une expression tirée au départ d'un article de Patrick Zerbib dans le magazine Essentiel des années 70 et 80, celui de la culture underground actuelle. Et ce papier intitulé « Les jeunes gens modernes aiment leur maman », sarcasme, sympathique pour décrire des jeunes maquillés, punk, new wave, rock, avec des artistes que vous devriez connaître. Marquis de Sade, Élie Jacquemot, Mathématiques modernes, Charles de Gaulle ou encore Taxi Girl. Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends chic. Pas. Mola son chic, vous avez dit. Oui. C'est sympathique. Non mais c'est important de ne pas oublier cette scène française, première sur les synthétiseurs. Plutôt que de continuer à écouter encore en boucle les mêmes tubes de variété potache qui nous tapent sur les bambous quand même depuis 35 ans. Il y a des belles choses, ils ont inventé des belles choses. Ouais. Ah, et voilà. Puis, et par la suite, après ils ont travaillé dans l'ombre, mais ils ont bien œuvré. Il est temps donc de nous souvenir de ces jeunes gens qui peuplaient les nuits de la boîte parisienne la plus branchée des années 80, le Palace. Oui. Vous y avez passé quelques petites soirées. Un peu. Merci. Un témoignage. Voilà. On en reparlera en antenne. Bon. Oui. Heureusement, régulièrement, cette génération sursaute. En 2008, Agnès B organise une grande expo dans sa galerie avec photos, œuvres et concerts. Et aujourd'hui, le journaliste Jean-Éric Perrin nous propose de découvrir en live des vétérans de cette période d'espoir en France avec un concert le 1er novembre au Petit Bain à Paris. Pas qu'un concert, il y aura aussi du tang. Vous avez déjà bu du tang? Oui, du tang. Ah, il y a une paille. C'est cette boisson qu'on mélange, la poudre qu'on mélange. Ah, oui, c'est ça. Il y aura des flippers, il y aura des pantalons jusqu'à la taille et surtout des groupes comme Cass Product. Je ne sais pas si vous en souvenez. La France avance, hein, je note. Voilà. Oui. Disparu durant les années 90 et puis un petit peu en 2000 quand même, il faut le dire. Et ils ont fait trois albums qui sont cultes entre 82 et 88, piliers de ces jeunes gens modernes. On va écouter un de leurs titres, je pense que vous allez adorer Alex Vizorek. Cass Product, Never Come Back. Never Come Back, et c'est une bonne idée d'ailleurs. Cass Product, et il leur en manque une, donc non, ça c'est tout ça à fait cohérent. J'ai bougé ce mon sera corps. À voir dans le cadre des soirées Frenchy But Chic, Samir Abouadi, 10h hors antenne, c'était un petit peu la tournée underground des années 80. Voilà, qui nous a replongé en tout cas, Mélanie Bauer, et recontextualisé. Oui, pas Martin Lamotte, on en a appris sur ces soirées parisiennes pendant cette chanson. Oh là, oui. Chose qu'on ne peut pas dire. Mais les auditeurs ont le droit de savoir, arrêtez. Non, c'est non, pas non. Vrai, là, faut rien. Pas leur donner des idées. Il est 17h37 sur France Inter, très calme. Et effectivement, Martin Lamotte est avec nous, qui est au théâtre dans Colombo, figurez-vous. Et à côté de vous, Martin Lamotte, il y a un individu qui s'appelle Guillaume Meurice. C'est moi, et je qui le surveille. Vous pouvez, parce qu'il adore embêter les gens. Oui, c'est vrai. Mais non. Il en tire des choses. Hein. Mais un petit mea culpa aujourd'hui, Charline, parce que... Non, mais c'est vrai. C'est étonnant. Oui, mais parce que hier, j'ai fait une chronique sur le salon de l'auto, ouais. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de mails. Oui, tu respectes pas les passionnés de voitures. Et voilà, je comprends, les passions, c'est important. D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire souffrance, passion. Et faites le test, hein, passez 2 heures à discuter avec un passionné de Golf GTI, vous allez souffrir, ça c'est garanti. Mais bon, je ne veux pas à nouveau me fâcher avec les passionnés d'automobile qui ont au moins, je dirais, un bon côté, c'est qu'ils connaissent bien leur véhicule, donc ils sont potentiellement moins dangereux sur la route. Tiens, on va commencer avec un premier. Qu'est-ce qu'il aime, lui ? Comme tout le monde, la vitesse, la sécurité. Alors, la vitesse et la sécurité, ouais. En même temps ? Là, ouais. C'est pas un peu contradictoire, ça ? Un peu. Oui, parce que si on va vite, du coup, on est peut-être moins en sécurité. Ouais. Mais bon, si on est maître de son véhicule, ça va. Et vous êtes maître de votre véhicule ? Ça dépend. Du coup, j'étais parti pour les défendre, mais je sais pas si je vais réussir. Alors, poursuivons avec lui. On se retrouve deux fois dans le bas-côté, mais... Ah oui. Pas méchant. C'était pas méchant. Ah ouais, pas méchant parce que vous avez rien eu ? Ouais, mais la voiture était pliée. Ah oui, quand même, ouais. Mais bon, Oui, c'est pas très rassurant quand même. Non, mais bon, ça remet les idées en place. C'est-à-dire que vaut mieux pas conduire quand vous êtes sur la route, quoi. Ouais. Ouais, non, non, non, vaut mieux pas, sinon ça sera encore une histoire de souffrance, mais plutôt sur un lit d'hôpital, hein, vous voyez. Alors évidemment, je veux pas généraliser, non. Il y a d'autres passionnés de voitures qui sont moins dangereux. Par exemple, lui, qu'est-ce qu'il a comme voiture? Une 607. Et alors, est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous la bichonnez? Ah non, non, du tout, je la sors pas. Oui, du coup, vous la sortez pas. Ah, donc vous avez une voiture, mais qui vous sert pas, du coup. Oui, ça, c'est bien vrai, ouais, ouais. D'accord, bah donc, vous avez pas besoin de la nettoyer souvent? Non, non, non, c'est, ça c'est vrai, ouais, ouais, ouais. C'est l'avantage, c'est qu'elle se salit pas. Ah, se salit pas du tout, ouais, ouais. Ben voilà, voilà, enfin une utilisation saine, économique et écologique de la voiture. Ah oui. On la séquestre chez soi. Ah hein, oui, c'est un peu la technique idée. De Daesh, mais version automobile. Oui, je viens de comparer les femmes aux bagnoles, hein, dans le milieu, ça se fait beaucoup, je suis désolé. Et puis laisser sa bagnole au garage, ça empêche pas de la bichonner. Il y a plein de produits d'entretien qui sont disponibles au salon de l'auto. Je suis allé voir un vendeur, qu'est-ce qu'il propose exactement? Une multitude de produits, on essaye justement de se différencier de la concurrence avec des senteurs, des shampoings spécifiques pour certaines couleurs. Là, on parle de voiture, hein, toujours. Toujours de voiture, oui. Parce que j'ai l'impression qu'on était dans un salon de coiffure. Pour hommes. Oui, un salon de coiffure de bagnole pour hommes, hein, pour hommes, bien sûr, parce que c'est plutôt un milieu de mecs. On va pas se mentir. Il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver le retour radio, hein, disait Renaud. Renaud, le chanteur, hein, pas le constructeur de bagnole. Non, non, je précise parce que maintenant, il a la même voix qu'une kangou quand on loupe la pédale d'embrayage. Non, mais c'est pour ça, on peut confondre les deux. Donc, milieu de mecs, mais surtout, je dirais, milieu de mecs maniaques qui nettoient leur voiture du matin au soir. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'on peut dire que votre principal allié, c'est les pigeons? Dans les grandes villes, c'est possible, oui. Alors les pigeons, je parlais pas de vos consommateurs, hein, je parlais des oiseaux. Oui, j'avais bien compris. Oui, ouais, parce que je préfère préciser, parce qu'on pouvait confondre également, vu le prix des produits. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les pigeons, hein, ça c'est sûr également, et puis pour les blaireaux, qui sont souvent injustement comparés aux passionnés de voitures. Tiens, est-ce que cet autre monsieur était un vrai passionné également? Pas du tout. Ah, c'est vrai? Moi, je collectionne les bouteilles sérigraphiées ainsi que les couvercles de boîtes à gâteaux sérigraphiées avec des jolis paysages. Mais alors là, il n'y a pas beaucoup de couvercles de boîtes à gâteaux, là, c'est plutôt des voitures. Oui, oui, bien sûr, mais enfin. Est-ce que du coup, pour changer de voiture, vous allez au salon du couvercle de boîte à gâteaux? Non, bah non, non, non. Bah, pourtant, ça aurait été quand même un peu logique, hein, parce que là, il n'était pas à l'abri d'une grosse déception, ce monsieur. Il ferait mieux d'aller directement au salon du mec qui s'est planté de salon. Mais j'ai trouvé un type encore moins à sa place que ce monsieur. Il y avait un gars qui proposait tout simplement des vélos au salon de l'auto. Ah bah, alors, oui. Il y avait un petit système de pédalier un peu innovant. Mais bon, on va pas se mentir, à son stade, il n'y avait pas full quand même. Le gars avait un peu de temps libre. Hein. Je pense qu'en une semaine, il va passer pas mal de niveaux à Candy Crush. Je suis donc allé l'interroger. Là, on vient d'avoir un petit problème technique. Ah oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand monde. Le vélo est crevé. Mais sinon, ça marche de faire du vélo aux gens au salon de l'auto? Les vélos sont là à titre de démonstration pour faire voir ce que donne un vélo équipé de ce système-là. Sur un circuit en côte, par exemple. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme un eunuque au salon de l'érotisme? Je répondrai pas. vaut mieux pas répondre. Vaut mieux rester discret, surtout quand on voit comment le lobby de la bagnole hurle à la mort à chaque fois qu'on crée une piste cyclable dans une ville. Pour eux, une seule crainte et un seul mot d'ordre: tout va à vélo. Merci, Guillaume Meurice. Jeu de mots. Martin Lamotte, vous êtes très voiture, vous? Moi, j'ai pas mon permis. Ah, c'est vrai? J'ai jamais voulu le passer. Je trouve ça vulgaire. Oh, c'est classe. C'est la classe internationale. Martin Lamotte avec nous. Alors attention, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir réservistes, à se rendre disponibles pour l'armée ou la police, en plus de leur activité qui n'a souvent rien à voir. Les attentats, notamment les attentats de Nice, ont poussé beaucoup de citoyens à s'engager pour la sécurité du pays. Après, il faut pouvoir assurer derrière. Je veux dire, il y a un entraînement. Ça se fait pas à la légère, comme ça, un entraînement dans la marine, par exemple. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi! Je boite aussi vite que je peux. Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai glissé cette nuit en allant vomir. Il y avait une mer d'huile cette nuit. C'est ça, c'est sûrement moi qui ai fait bouger le bateau. Ah, ça y est, t'as décidé de me faire chier. Je vais pas te faire chier longtemps parce que j'irai pas plus loin. Quel vérole celui-là. Mais je peux plus marcher, bordel, c'est pas de ma faute, je suis sûr que mon entorse s'infecte. Tu vas me faire le coup des entorses qui s'infectent maintenant? C'est que t'es dur, toi? T'es dans ma cheville? T'es médecin, peut-être? Bon, allez, viens, on va regarder ça. C'est que. Bon, y'a rien. T'es même pas enflé, y'a rien. Si ça se trouve, c'est enflé à l'intérieur, puis on voit pas. Gérard Lanvin et Michel Blanc dans Marche à l'ombre. Ouais. Voilà pour les réservistes dont le nombre a considérablement augmenté. Alors, Churchill disait « Être réserviste, c'est être deux fois citoyen ». Est-ce que Martin Lamotte serait d'accord avec Winston Churchill? Oui, non, mais je pense qu'il y a un leurre. C'est-à-dire que beaucoup font de la réserve comme ça pour pour éviter d'aller au bistrot. Et finalement, ils y vont, parce que là-bas, on y va. C'est vrai. Donc, vous trouvez la démarche positive, logique? Oui, non, elle est positive, bien sûr qu'elle est positive. Et puis, bon, on trouvera pas assez de flics. Hein. Oui, qui sont tous un peu en ce moment, c'est une profession qui monte, mais... L'uniforme, tout ça, c'est un peu chaud, l'hiver, tout. Bon, ils ne sont pas contents. Ça boudine un peu, oui. Ça boudine. Et vous avez fait votre service militaire ou... Oh, quelques jours, oui. 44. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, c'est pas mal. S'il y a une guerre, on peut compter sur vous, là, quand même. Comptez sur moi. Hein. D'accord. On vous met devant. Pourquoi 44? Qu'est-ce qui s'est passé, Martin Lamotte? Ben, je suis parti, après. Ah, mais parti comment? C'est-à-dire fâché ou... Non, pas fâché. Je ne voulais pas rester. Ah. Parce que j'avais du boulot, j'avais trouvé du boulot. Et il fallait que je m'en aille. Donc j'ai trouvé un système, je suis parti. Voilà. D'accord. Juste le temps d'apprendre le maniement des armes, par exemple, comme ces réservistes qui sont... Oui, voilà, qui alors c'était spécial. Oui. J'ai appris le maniement des armes, j'ai appris à faire des tours de garde. Bon, comme je n'aimais pas dormir dans les tentes humides, on avait des cartouches, vous savez, un blanc pour tirer. Et moi, je les échangeais contre du pinard. Et je me mettais près du feu et je prenais toutes les gardes. Je m'endormais, en fait. Mais j'étais au chaud. Très bonne idée. Est-ce que la France n'est pas divisée en deux entre les gens qui s'inscrivent comme réservistes pour la sécurité, pour l'engagement, parce qu'il y a des symboles de la France qui ont été touchés, etc. Et le côté, si on essayait d'améliorer les choses par l'éducation, le lien social et qui s'engagent dans l'associatif. Les déserteurs, vous voulez dire? Voilà, non, comme moi, par exemple. Je pense qu'il y a des gens qui auraient voulu faire ça jeune et qui, tout d'un coup, justement à la suite de ces événements, se disent « bon, je vais le faire mm-hmm. ». Je pense qu'il y a une sincérité. La prise de conscience et la sincérité. Oui, mais je trouve ça assez dangereux, moi, finalement. Parce que c'est quand même, on parle de violence, on parle d'actes extrêmement violents. Et la réaction qui est proposée là, c'est quand même une réaction militaire. Il faut savoir que la réserve, c'est surtout le commandement. Parce que former un type pendant 3 jours à tenir un FAMAS, enfin le FAMAS va s'arrêter, là, mais c'est très compliqué. Et moi, ce que je trouve qui est très inquiétant, c'est la réaction des jeunes vers l'action physique. C'est quand même très étonnant. Enfin, il faudrait mieux que ça soit de notre côté que de l'autre. C'est clair. Quand même. C'est vrai, on a connu une France un peu anti-mili, tout ça. Et puis là, on est parti dans le sens inverse de l'histoire. Oui, mais c'est pas de notre faute. Hein. Bah oui, non, ça date. Celui qui tape le premier. Ah bah voilà. C'est sûr. Samir Bouadi, puisque vous avez le crachoir avec votre belle voix, alors on en voudrait un peu plus, vous nous le mettez? Oui, bah écoutez, moi je vais vous parler d'un livre qui traite de sport. Hein, et pourtant, je suis comme vous. Hein, je considère que les livres dont le sujet est le sport ou les sportifs en général, c'est sans intérêt, c'est définitivement chiant. D'abord parce que le sport, c'est l'instant, hein, l'image, le mouvement, la seconde, l'immédiateté, et que ça n'a rien à foutre, hein, pour moi, dans un bouquin. Et aussi et surtout parce que les auteurs qui traitent du sport ont cette fâcheuse tendance à vouloir déculpabiliser de leur penchant, on va dire, puéril, en inscrivant leur démarche dans une fumeuse réflexion pseudo-littéro, intello, hystérico, historique. Non, je parle pas de moi, tu me regardes comme ça, Guillaume. Bref, donc sur ce coup-là, pour être plus sérieux, le bouquin en question, l'Encyclopédie des sports oubliés, n'est définitivement pas un livre sur le sport, mais plus certainement un livre sur ce que le sport aurait dû et devrait être, à savoir une récréation, je dirais, une création de règles loufoques, une façon de se dédouaner de l'enjeu pour créer le vrai jeu qui confine à l'absurde. L'auteur, Edward Brooke Hitching, qui est anglais, a eu l'idée de ce livre en tombant par hasard sur un livre d'un auteur allemand, Hans Friedrich von Fleming, daté de 1719, au titre évocateur, la chasse allemande par faite sur une gravure qui figure dans le bouquin en question, il a vu des gens s'amuser à se lancer des renards. Bah ouais. Ah bon, renards, le lancer de renard. Un lancer de renard. C'est homologué, ça vous l'avez dit. C'était homologué. Alors du coup, l'auteur, notre anglais, curieux, il s'est dit, tiens, je vais faire des recherches, je vais aller plus loin. Et en plus, il est fils d'un vendeur de livres anciens, ce qui n'est pas anodin. Donc il a essayé de faire des recherches et surtout de compiler des pratiques sportives d'un autre temps totalement oubliées. Donc il a exhumé des centaines de pratiques à travers les siècles, aussi fascinantes que dérangeantes, pour nous offrir, mes avis, ce petit bijou d'érudition. Et je blague pas. Parce qu'on apprend vraiment un tas de choses très très étonnantes dans cette lecture. Alors c'est une sorte de cabinet de curiosité où des scientifiques plus sérieux les uns que les autres, ça donne à des jeux étonnants, comme par exemple la fabrication d'une machine à lancer des serpillères, dans le but d'en faire un sport, mais un vrai sport, je déconne pas. Hein. Alors ici, tout est folie, tout est dingo, tout est inventivité, on codifie des courses de tortues avec des humains dessus. Non mais je suis très sérieux. Hein. On met des échasses à des chevaux de course. Hein. Alors c'est un petit peu Faut arrêter d'emmerder les animaux. Mais tu vois, on va y venir parce que là on est un peu dans les merveilleux fous. course de tortue, comment elle sait où elle doit aller? Parce qu'il sait conduire. Le type est dessus, tu vois, il a des rênes, vraiment. Il y a un côté vraiment Monty Python dans cette aventure humaine. Si on met Martin Lamotte dessus, il s'endort. Je m'endors, une tortue, on s'endort. Non, mais ça avance bien. Le lancer de renard, vous n'avez droit qu'à un essai. En plus, c'est très violent, parce que c'est d'une violence. Par contre, un truc qui aurait pu vous intéresser, Martin, c'est on organise des combats de boxe avec feu d'artifice dans le dos. Ah, ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment. Ah oui. C'est un truc de dingue. Néanmoins, là, oui, tu le disais, Guillaume, il ressort de cette lecture que les animaux n'ont pas attendu les abattoirs de la honte pour se faire proprement couillonner la truffe. Hein. Je vais vous donner des titres. Hein. Je vous donne quelques exemples de sports heureusement oubliés. Donc, le chat en feu, j'ai dit le chat, Alex. Hein. Combat de canard, combat de singe, combat d'homme et de chien. Coup de tête sur le chat, j'ai essayé, il ne faut pas le faire, surtout si on aime son chat. Gobage de poisson rouge, voiture contre taureau. Voiture contre taureau. Comment on gagne au gobage de poisson rouge? C'est le plus ou celui qui ressort le plus vite? Je crois que c'est un truc de. C'est surtout après. Le vainqueur, c'est un saumon. Vérifier que t'es pas malade, etc. Et puis aussi, un truc qui est très intéressant. C'est une fable après. Je vous en prie. Il y a un truc qui est. Non, mais je vous en prie, allez-y. Non, mais c'est très très drôle. Il y a un autre truc qui est très marrant dedans, c'est aussi combat de femmes contre hommes. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ah bon ? Alors, il y a des pratiques beaucoup plus poétiques, hein, rassurez-vous, nobles, hein, comme le jeu des cerfs volants enflammés. Ça, c'est quand même très, très beau. Non, c'est encore un cerf. Voilà, c'est encore un animal. Volant, volant. Le duel non sanglant, qui est très, très marrant. Il y a un autre truc aussi qui est très, très bien, c'est la pêche à l'humain. Alors, qu'est-ce que ça, c'est pour le petit Grégory. En fait, c'est un type qui est au bord de l'eau, il est harnaché, etc. Le type doit le sortir de l'eau et l'autre fait tout pour ne pas se faire pêcher. Mais ça existe. Ça, c'était en Australie vers 1887. Le jeu est tombé à l'eau aussi. On peut encore pêcher dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Alors, lisez ce bouquin parce que on est un petit peu dans la contrainte hirsute, comme dans certains jeux littéraires oulipiens. On le trouve en poche, au point. Alors, l'auteur, donc je répète son nom, Edward Brooke Hitching, l'encyclopédie des sports oubliés. Ou alors, moi, je le sous-titrerai par une autre façon de ne pas parler de sport pour mieux raconter les hommes et leur effroi face à un oubli programmé. Merci, Samir Bouadi. Avec plaisir. Chronique sportivo-littéraire. Oui, vraiment super bouquin. Mais en même temps, il y en a encore des sports à la con, là, le lancer de marteau, on lance une boule accrochée à une chaîne, c'est con. C'est juste parce qu'on est habitué, mais c'est en fait. Parce que le renard tenait pas bien, mais c'est le même geste. Il y a des trucs vraiment de dingue, vraiment. C'est formidable. Merci, Samir. Les renards ont la queue plus courte, alors on ne peut pas les lancer facilement. Je savais que ça marcherait. Regardez le Québécois, il va ramener son sport chez lui. On va l'amener là-bas. Martin Lamotte, alors tout le monde ce matin m'a dit quand j'ai proposé le sujet, oh non, on va pas encore parler de ça, hein. Puis j'ai argumenté parce que finalement si, parce que c'est fou quand même. Enfin, c'est vous qui voulez sur le je trouve ça amusant, mais si, Kim Kardashian est partout dans nos journaux, même les plus sérieux. Je me suis fait la réflexion ce matin quand j'ai vu Les Échos ou leséchos.fr, où c'est l'article le plus lu, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas. Alors cet article, donc on va apporter notre pierre à l'édifice sur l'affaire Kim Kardashian. On sait très bien maintenant ce que le mari de Kim Kardashian, Kanye West, lui a dit hier à son retour dardard à la maison. Voici leur échange. Été fête des anniversaires. J'arrête pas de célébrer, de ranimer la flamme à coups de bifton. Parce que ça te coûte. Et je parle pas des dépenses somptuaires, tiens, puisqu'on en cause devant ces messieurs. Dis-leur voir un peu combien a coûté ta panthère de Somalie. Tu leur disais plutôt comment t'as bouffé ma dot, Macron. Vous pouvez pas garder tout ça pour plus tard, au coin du feu. Mais non. Et l'enterrement de ta mère, le mausolée à Bagneux, tu veux que je sorte tes factures? Et ta connerie de piscine. Une piscine à l'eau de mer, avec des rochers, une machine à faire la tempête, et le fardeau est sans réduction. Tout ça à Saint-Tropez. Sans bon baiser à lundi, c'est Audiard, c'est Blié et Maria Pacôme, dans toute leur splendeur. Alors voilà cette affaire Kim Kardashian qui est même donc dans Les Échos, avec ces deux sous-titres, Martin Lamotte, je vous laisse soumettre. L'agression de la vedette américaine affecte l'image de Paris et de la France. Je n'exagère rien, c'est le oui, titre. Oui, et des bijoux surtout. Qu'est-ce que Colombo pense Je pense qu'il faut faire une enquête. Je pense d'abord que Kardashian, c'est un nom double. Ah. Il y a Madame Carda et Monsieur Chien. Donc il faut elle les retrouver. Son père, je pense. Voilà. Ta première indice. Pourrait presque être. Il y a presque les éléments de Colombo là-dedans. Il y a la super riche. C'est pour ça que ça a autant d'écho. Parce que c'est la vedette la plus surmédiatisée au monde. C'était... par rapport à ce qu'elle a fait dans sa vie, non? C'était peut-être une tentative de Kanye West d'assassiner sa femme. C'est pas. Il y a un petit ingrédient de Colombo parce que on a du mal à entrer en empathie. C'est marrant, on y arrive même pas. Si elle s'est fait braquer avec certainement le flingue sur la tête. Non, moi j'y arrive. C'est pas très drôle, mais pour les diamants, je dis bah finalement le sentir bien. Mmh. Oui, ouais, c'est... oui c'est elle vrai était saucissonnée quand même. Elle était saucissonnée. Ouais, mais alors, enfin, c'était pas des bijoux intimes, donc on va pas non plus pleurer. Je veux dire, c'était pas très grave. Oui, c'était sans parce doute. Que moi, il importe des bijoux intimes de cette valeur-là, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais c'est ouais. affreux, mais ça ne met pas en cause ni les relations entre les deux pays, ni le tourisme qui a pris des taquets, mais venant de la France déjà. Oui. Donc, faut pas exagérer. Vous aimez beaucoup les palaces, est-ce que ça a changé votre vie maintenant? Il faut le dire à l'auditeur. Attention, je mets plus de boutons de manchette. Mais justement, je voulais le deuxième titre des Échos, hein, sous l'agression qui affecte l'image de la France, il y a le patronat hôtelier plaide pour une police touristique. Donc, j'ai postulé. Vous êtes réserviste. Bien sûr. Réserviste Colombo, on va faire une brigade spéciale. Si Kim Kardashian, elle a pour 10 millions de bijoux dans sa chambre d'hôtel, est-ce que c'est pas à elle d'engager deux, trois types parce que... Il était en boîte de nuit avec la sœur. Il y a toujours un... Et la détail. Police anti-bling-bling, ça n'existe pas encore. Non, mais on aimerait bien, ça aurait réglé le problème, effectivement. Donc, ça viendrait de la famille, puisque... C'est passionnant, hein. Guillaume a dit redistribution des richesses. C'est de la redistribution des richesses. C'est Poutou qui a tweeté ça et il s'est fait engueuler. Ah oui, pardon. Philippe Poutou et Mathieu Kassovitz. Alors, maintenant, on peut ajouter Guillaume Meurice. Ça me va. Juste pour une dernière chance, s'il avait pris un hôtel à Barbès, des mecs déguisés en flics, ils ne seraient pas rentrés. Alors, faut qu'elle fasse simple. Il y a des solutions. Évidemment, il suffit de nous demander. Martin Lamotte, on a une proposition indécente à vous faire. Enfin d'émission. Il n'y a pas de piège. On propose toujours le sketch à l'invité qui ne connaît pas, qui le découvre avec nous. Et aujourd'hui, évidemment, on vous connaît, on vous aime pour le rôle de super résistant. On s'est dit, on va lui proposer le rôle de super collabo. Vous n'avez jamais fait. Ben oui, justement. Et vous êtes invité chez la famille Le Pen qui vous a convoqué. Guillaume Meurice, c'est le papa. Marine, c'est Charline. Oui. On est parti. Hi, super collabo. Hi, Jean-Marie. Comment dois-je vous appeler précisément, super ou collabo? Pas de chichi entre nous, appelez-moi collabo. Vous me rappelez étrangement, hein, une petite bavaroise que j'ai très bien connue, n'est-ce pas? Faites pas attention, papier est complètement gâteux. Tiens, voilà Lucie Aubrac. Non, c'est Marine, votre fille. Ah, je les confonds tout le temps. Ah oui, pourtant c'est pas le même genre. Si, ma fille est une traîtresse gauchiste. Mais c'est vrai ce qu'il dit, madame? N'allez pas croire, ce vieux panzer de même la Wehrmacht ne voudrait pas. Ah non, alors là c'est trop, super collabo va vous tondre. Non, c'est les autres qui tondent. Non, excusez-moi, parce que j'ai été super résistant à une époque. Oui, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens très bien qui n'étaient pas clairs non plus. On a dit qu'on arrêtait de parler de François Mitterrand, enfin. Et dites, ça n'a pas l'air simple dans votre famille. Oh, ce dont la France a besoin, c'est d'un héros viril et musclé. Comme Rocky? Comme moi! Papa, c'est plus l'Algérie, là. Ah, ça dépend dans quel quartier tu te promènes, Marie. Mais, excusez-moi, mais en quoi puis-je vous aider? Super collabo, n'avez-vous pas une idée pour convaincre les Allemands d'occuper la France? Mettre la choucroute en plat du jour chez Flunch. Nein! Immédiatement. Vous donnez une prime aux touristes avec des chaussettes dans leurs sandales. Nein! Demandez à Volkswagen de s'occuper de la qualité de l'air en Ardèche. Nein! Alors, je sais pas, j'arrête, moi, armistice. Super collabo, vous avez changé, n'est-ce pas? Eh oui, j'ai changé. Mais toi non plus, tu n'as pas changé! Déjà, si j'aurais bien continué. Ah oui, vous sentez bien. Le trio fonctionne en tout cas. Je t'ai lancé, moi. Super résistant est devenu super collabo. C'est terrible, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est le changement de régime différent. Oui, bien sûr. Qui vous pousse, hein, du nouveau. On vous en parle souvent encore de papy. Oui, c'est fou. Ça a traversé les générations. Ah ouais, c'est incroyable. Colombo, donc vous le recommandez, et Alex. Oui, hein, parce que je ne savais pas où j'allais. J'ai vécu un épisode de Colombo en vrai. Voilà. Et j'ai aimé ça. Et je me suis pris à essayer de trouver comment il allait tomber dessus. Comment? Je ne vous dis pas s'il y arrive. On y est pris comme dans la série, vous voulez exactement, dire. Exactement. Tous les ingrédients y sont. Sur scène avec Martin Lamotte. Merci beaucoup, Martin Lamotte, d'avoir passé infiniment. Moment avec nous. Donc je rappelle qu'on peut vous voir au Théâtre Michel pour l'instant jusqu'au 22 janvier. Espérons plus tard. Et après, dans toute la France. Oui, bien sûr. Du mardi au samedi à 21h, le samedi à 17h et le dimanche à 16h30. Si tout ça, ils ne trouvent pas le coupable. Tous les indices. Mise en scène et adaptation, Didier Caron et vos petits camarades sur scène, c'est Pierre Azema, Karine Belli, Stéphane Boutet. Merci beaucoup et merci à mes petits camarades à moi, Mélanie Borel, Samir Boidi, Alex Bizorek, Guillaume Meurice. Tiens, et si on laissait le mot de la fin à Michel Houellebecq, qui a vraiment un avis sur les référendums en Europe? Au point où c'en est, je souhaite que ça finisse en insurrection.